Hier, c'était l'Halloween. Et qui dit Halloween dit évidemment aussi la récolte des bonbons par les enfants. Des fois par les plus grands aussi. Quoique généralement, ils feront faire le sale boulot par les enfants, bande de profiteurs. Et même si cela pourrait vous surprendre, moi aussi, je participe à l'Halloween et activement. Étant donné que je n'ai pas de préparatifs particuliers à faire pour rendre visuellement ma demeure, selon la thématique, pas plus que moi. Parce que c'est pas compliqué. Mon laboratoire et ma morgue et moi-même avons l'air parfaitement adaptés à l'Halloween à l'année. Toujours est-il que moi aussi, je reçois tous ceux qui viennent frapper mon heurtoir de porte, qui est dans les faits le véritable crâne du Marquis de Sade. Je leur ouvre joyeusement et leur offre toutes sortes de choses, dont moi-même ai de la difficulté à identifier. J'imagine qu'ils sont en saveur de fraises ou de cerises puisqu'ils sont rouges. Quoi qu'il en soit, c'est l'intention qui compte. Et des intentions, j'en ai plein. Parce que moi aussi, j'aime ceux qui passent l'Halloween. Surtout en sauce et avec des oignons. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout lorsque vous frapperez à sa porte en disant le fameux « trick or treat » et qu'il répondra « Donne-moi tes bonbons, crétin, avant que je ne te jette un sort. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. » Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Gravedigger, go. Yeah. vous êtes assez fait passer. 89.1. Tu écoutes C'est fou? Tu lis le Zone Campus? Tu désires t'impliquer dans ta communauté? Le groupe des médias étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières est à la recherche d'administrateurs étudiants et non étudiants pour siéger sur son conseil d'administration. Envoyez votre CV à dgcfou@commercialuqtr.ca. Compte à rebours est une émission dédiée aux contes et aux nouvelles d'ici et d'ailleurs. Tous les mercredis matins à 10h, j'aurai le plaisir de vous lire des histoires qui nous replongeront dans l'ancien temps. Vous aurez également l'occasion de taper du pied en écoutant de la musique traditionnelle. Je vous donne rendez-vous mercredi matin à 10h pour un voyage folklorique sur les ondes de votre radio étudiante. Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula? Le jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui. La chronique de Paul Deslauriers, les biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. Audiomatique avec les électronistes. Tous les mercredis à 17h. C'est la première fois que je me fais faire une épilation intégrale. Vous êtes sûr que ce ne sera pas douloureux? Oh, inquiétez-vous pas, on n'utilise que du papier sablé grain 1000, puis par la suite, on fait un beau petit compound à saveur d'orange. Ça va être propre, propre, propre. Il y a des choses qui s'improvisent pas. Pour tout le reste, il y a la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, les lundis 20h à la Chasse-Galerie de l'UQTR. Relax, déconnecte, mot-clic, ose la huître. Vous êtes assez fatigué. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 1er novembre, l'an des disgrâces 2016. Mois des morts. Le mois dans lequel je me complais le plus. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. On vient d'entendre à l'instant, avant cette délicieuse pause publicitaire, la formation californienne Testament, bien sûr, et une... Je dis bien sûr, bon, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais bon, je vais reformuler. La formation californienne Testament est une pièce qui est tirée, bien sûr, de leur nouvel album, soit Brotherhood of the Snake, soit Stronghold. Une des bonnes pièces qui apparaît sur cet album qui est paru il y a pas très longtemps, vendredi dernier. Le 28, c'est paru sous étiquette un Nuclear Blast. Juste avant, nous avions une autre formation californienne, soit Death Angel, et une pièce tirée de leur septième album, The Dream Calls for Blood, paru en 2013 sur Nuclear Blast également, soit Son of the Morning. Très bon album de Death Angel. Un de mes préférés, d'ailleurs, je dois dire. Juste avant, nous avions une autre formation de Californie. Ben non, c'est faux. C'est une blague. C'est une formation qui vient de Los Angeles. Ben non, on vient de Californie aussi. Grip Inc., une formation défunte qui a évolué entre 1993 et 2006. Formation de... groove metal. Je trouve que l'appellation n'est pas très vraie. Je dirais plus à tendance très trash, si on veut. Une pièce de leur premier album, Power of Inner Strength, qui est paru en 1995. Et ce qu'il faut savoir avec Grip Inc., eh bien, c'est que c'était une formation dans laquelle a évolué. Le batteur original de Slayer, soit Dave Lombardo, il est aux côtés de Jason V. Brooks à la basse, Voldemar Sorita à la guitare et Gus Chamber, qui est décédé en 2008, qui était au vocal. Pas énormément d'albums pour Gripping, qui est une formation qui a été un peu considérée underdog, bien entendu, mais qui a redonné certaines choses intéressantes. Juste avant, nous avions une autre formation plus ou moins connue, je dois dire, en celle de Geezer, qui, vous l'aurez deviné, c'était, parce que c'est présentement indéterminé, l'état de Geezer, un projet de Geezer Butler, bien sûr, le bassiste de Black Sabbath. Je devrais dire aujourd'hui l'ex-bassiste de Black Sabbath, puisque la formation n'existe plus, ou à peu près plus. Qui sait, peut-être qu'ils vont reprendre le service un jour, peut-être que Ozzy va avoir tout un ennui de voir ses petits camarades sur scène, mais ça m'étonnerait beaucoup. Geezer, c'est une formation qui a vu le jour initialement au Royaume-Uni, mais qui s'est installée au Texas, à Houston. Pour donner un style musical relativement éclaté et je dirais avec passablement d'influence qui passe par le sludge, l'industriel, le métal pur, parfois un peu le trash aussi, et qui, pour son premier album, dont j'ai passé un extrait qui portait le nom de Blastic Planet, la pièce étant House of Clouds, mettait aux commandes du micro nul autre que Burton Seabells, qu'on retrouve aujourd'hui bien sûr avec Fear Factory. Un bon album, peut-être, je dirais, méconnu, généralement, des amateurs du genre, mais il y a des bons trucs dessus sur Plastic Planet. Par la suite, j'avais exploré le deuxième album, qui est Black Science, que j'avais trouvé correct, voilà, à ce moment-là, Burton Seabell ne faisait plus partie de la formation, j'avais trouvé correct, mais je me suis comme pas désintéressé, mais j'ai comme oublié le groupe. Et la semaine dernière, en faisant la programmation de l'émission de ce soir, je me suis dit, en fouillant dans mes trucs, je me suis dit, oh, Geezer serait intéressant, et ça l'était effectivement. Justement, nous avons ouvert avec l'émission et ce bloc avec la formation allemande Gravedigger, une pièce tirée de Clash of the Gods qui est parue en 2012 sur Napalm Recording. Clash of the Gods, pour moi, c'est un des bons albums de Gravedigger. Je suis pas un fan invétéré loin de là de la formation, mais j'admets volontiers qu'ils ont de très bonnes choses comme Clash of the Gods et cette pièce que je vous ai proposée qui est God of Terror. J'ai suivi Gravedigger, je dirais depuis un certain nombre d'années, chacun un nouvel album. Je trouve ça correct, mais honnêtement, je suis pas porté à écouter des albums au complet parce que ça me lasse un petit peu à la longue. Mais c'est un groupe qui est fort correct tout de même. Ce soir, j'ai quand même des choses intéressantes à vous proposer qui sont assez nouvelles. Je parle de la formation de la Nouvelle-Zélande Ulcerate, dont la nouvelle parution est sortie le vendredi dernier, soit le 28, Shrines of Paralysis, ainsi qu'une formation britannique, Mithras, dont le dernier album, On Strange Loops, et si je ne m'abuse, je vais le valider, mais il s'agit de leur quatrième album, effectivement, qui est paru, lui, il y a deux vendredis, soit le 21 octobre, et une formation que... Écoutez, on écoute beaucoup de choses quand on fait de la radio, quand on est mélomane, quand on aime le métal aussi, on écoute beaucoup, beaucoup de formations parce qu'il y en a énormément, il y en a peut-être même trop, ce qui fait qu'à l'occasion, on passe à côté de certaines choses qu'on a, oui, sommairement écoutées, mais sur lesquelles on n'est pas revenu. Et c'est le cas de Population Control, qui est un groupe du Wisconsin de Crossover, qu'on va explorer un petit peu tout à l'heure, qui fait vraiment là dans le old school des années 80, dans le Crossover, c'est intéressant. Il y aura aussi une chronique cinéma, bien entendu. Chronique musicale, oui, comme vous aurez pu le deviner. Mais tout de suite, j'aimerais demander à mon ami et comparse de toujours, qui est ce super beau petit singe qui est Horace, est-ce que tu as passé l'Halloween, Horace? Ben oui, où avais-je la tête? C'est vrai, tu l'as passé sur le divan chez nous. Il est pas très sorteux, ça, Horace. On aura peut-être la chance de rediscuter avec lui plus tard. pas très loquace, faut dire, mais bon. On va continuer avec une... justement, je vous parlais de Burton Seabell et Fear Factory. Ben, c'est à propos parce que le prochain bloc débute avec une pièce de The Industrialist Recharger. Dans le prochain bloc, on va entendre, entre autres, formation Duff, Entrails et Cannibal Corpse. C'est tout de suite Fear Factory. Let's go! Call that target for revenge. Right there.

Radio Cifou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan présente plusieurs événements culturels en Mauricie. Tu es passionné? Tu aimes quand ça bouge? Pour savoir tout ce qui se passe et où ça se passe, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Viens découvrir le campus de l'Utilière lors de la journée porte ouverte le samedi 5 novembre de 11h à 16h. Profites-en pour rencontrer les professeurs, déposer ta demande d'admission et assister à des conférences. Pour plus de détails, uqtr.ca/porte-ouverte au pluriel. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage Reiki, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Écoutez-nous en direct sur le web sur cifou.ca. 89. Et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show, sur les ondes de Cifou 89.1 FM jusqu'à 21h. Avant cette pause publicitaire, on a eu la formation qui, j'ose l'espérer, n'est plus besoin d'être présentée. Mais je vais le faire quand même, Cannibal Corpse, formation de la Floride, et la pièce They Deserve to Die, qui est tirée de leur 9e album studio de Wretched Spawn, paru en 2004 sur Metal Blade. Dois-je le dire, une de mes formations préférées. Juste avant, nous avions la formation suédoise Entrails. Pardon. Une pièce tirée de leur 4e album Obliteration, soit Reanimation of the Dead. Ah, ben, c'est un titre tout à propos, hein? C'est paru sur Metal Blade en 2015. Comme je l'ai dit, c'était leur 4e album. Entries, qui vient de la Suède, de Linerid, je sais pas si je le prononce correctement, peu importe, qui donne évidemment dans un death metal. Je trouve ça intéressant. Je les avais mis de côté depuis la dernière année et je sais pas pourquoi. C'est comme je disais un petit peu tout à l'heure, en fouillant dans divers trucs, parce que des musiques, des disques, j'en ai pour les fous, pour les fins. Je suis retombé là-dessus, je dis ah ben faut que je réécoute ça, puis j'ai dit bah oui, c'est bon. Donc, Entrails, dans le genre, c'est une des bonnes formations. Juste avant, une formation américaine également, une formation qui vient d'Atlanta, soit Darth. C'est pas comme la bière que Homer boit, c'est Darth et non Duff. C'est un album qui est paru en 2010 sur Century Media, soit l'album homonyme Duff. C'était leur quatrième et leur, jusqu'à présent, leur dernier, parce que cette formation américaine est en état d'attente, on ne sait quoi. Le terme anglophone est on hold, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'activité actuellement autour et à l'intérieur du groupe en tant que tel. Donc, est-ce que le groupe va mettre fin définitivement à ses activités ou non? Je le sais pas. Quoi qu'il en soit, je trouvais ça intéressant, cette formation-là, qui donne dans un dead groove metal à tendance industrielle. C'est fort intéressant, c'est assez bien fait aussi et relativement original, je dois le dire. C'est à suivre. Et on ouvre bien entendu avec Fear Factory. Ça aussi, j'imagine que tous les amateurs de métal, je dis tous les amateurs de métal, je dis plusieurs amateurs de métal, pour rester poli, devraient savoir qu'il s'agit de Fear Factory. Puis pour les autres, vous êtes des ignorants. La pièce Recharger, qui est tirée de leur 9e album, The Industrialist, qui est paru en 2012 sur Candlelight. Formation que j'aime énormément, Fear Factory. Même si dans les faits, il ne reste plus que deux membres originaux de la formation, soit Dino Cazares et bien sûr Burton Seabell. Mais il donne toujours une excellente musique. L'âme y est toujours, voilà. Musicalement parlant, avant d'y aller avec une présentation, je vous parle de ce que j'ai écouté récemment, c'est-à-dire depuis la semaine dernière. Je vous parle de la formation allemande qui donne dans un speedcore metal. Ils sont catégorisés comme étant death metal. Je suis loin d'être convaincu. Je parle d'Incarceration et leur album Catharsis. Ce que je peux dire en premier lieu quand j'ai écouté Incarceration, c'est que c'est dans le fond. Pour être dans le fond, c'est assez dans le fond. Musicalement, c'est assez correct. Je dois dire, oui, c'est bien. Mais là où ça se gâche, c'est le vocal. Un vocal qui, pour moi, je dirais... très peu acceptable. C'est un vocal qui est très punk. Très punk, mais il y a des vocales au niveau de band punk qui sont très corrects, mais celui-là, il l'est pas du tout. En tout cas, pas à mes oreilles. C'est vrai qu'il m'en reste juste une, mais bon. Pas à cette oreille. Il n'y a pas une belle voix, mais vraiment pas. Puis il vient démolir, je dirais, à peu près systématiquement, la qualité musicale qu'on pouvait en retirer d'Incarceration. J'espère que les gars vont comprendre que c'est pas le chanteur pour eux. C'est pas de mes affaires, finalement. Hein? C'est juste une appréciation. Écoutez... La qualité d'enregistrement, par contre, est fort correcte. La présentation graphique est intéressante aussi. Mais si on fait abstraction du vocal, c'est correct. Autre truc qu'il faut pas oublier, c'est le 4 novembre, oui, au soir. Probablement le soir, ça va être le jour. C'est-à-dire vendredi, si je ne m'abuse, en étant le premier de tout. Ouais, c'est ça. C'est le nouvel album des Polonais de Vader, The Empire, qui sera disponible sur Nuclear Blast. Donc, si vous voulez avoir un avant-goût, allez sur le site de réanimation AD.com dans la section musicale. C'est le dernier album dans le bas de la page. Allez sur le petit écouter ici. Vous allez aller sur un extrait de ce nouvel album The Empire que j'ai vraiment hâte d'entendre. Très curieux de ce qu'ils font toujours, Vader. Et autre truc que je vais vous proposer la semaine prochaine et que je vais en parler simplement brièvement ce soir parce que j'ai découvert cette formation avec grand plaisir, c'est The Serpentine Dominion qui sort le premier album. Ben, en fait, c'est Serpentine Dominion qui sort son premier album de Serpentine Dominion sous étiquette Metal Blade, qui est dans un death metal avec à l'occasion des incursions vocales à la Burton Seabell un peu plus claires. Et le vocaliste qui est derrière cela, eh bien, c'est George Corpse Grinder Fisher de Cannibal Corpse. Très belle présentation graphique aussi. Donc, je vous présente ça la semaine prochaine. Maintenant, allons-y avec... allons-y, je sais pas où. Moi, finalement, pas nulle part. Non, je vais rester ici. Mais allons-y avec une première présentation ce soir d'un truc qui est... Ben, je dis nouveau. C'est pas nouveau parce que c'est paru en février dernier. Une formation qui vient de Milwaukee, dans le Wisconsin. Vous allez savoir que c'est aux États-Unis, j'espère. Oui, d'accord. Bon. Qui donne dans un crossover trash metal. C'est Population Control qui en a leur deuxième album. Complet Studio, qui porte le titre, je dirais, très original de Population Control. Oui, c'est ça, t'as raison, Horace, c'est ce que je pensais aussi. Que j'ai découvert, j'ai pas découvert le groupe quand l'album est sorti en février, j'ai découvert, je dirais, au printemps, mais je l'ai complètement oublié pour je ne sais quelle raison. Probablement que l'ablation de ma moitié de mon cerveau ne m'a pas aidé à me rappeler de plein de choses. Je l'ai fait sur une base volontaire, je dois le dire. C'était pour me chasser les vilaines idées de l'esprit. Mais je suis retombé dessus. Et puis j'ai trouvé ça assez intéressant. Si vous êtes un peu amateur comme je le suis de ce qui s'est fait dans les années 80 de crossover, vous devriez vous y retrouver pas mal avec Population Control. Je vous propose deux pièces à l'instant qui sont parues sur ce dernier album, paru de façon indépendante. Let's go! Population Control, ce fut un petit bloc de 5 minutes 53 parce que vous aurez compris que le crossover, c'est généralement pas des pièces très longues. On y reviendra plus tard au fil des prochaines émissions à Population Control. On a entendu The Secretor et la pièce-titre Population Control. Ben, en fait, c'est tout. Population Control, la pièce Population Control de l'album Population Control. Voilà! C'est paru précisément, je n'ai pas la date exacte, là, mais c'est autour de, je dirais peut-être un petit peu après la mi-février, là, 2016 bien entendu, et c'était leur deuxième album studio complet. Ça rappelle énormément ce qu'on a pu entendre dans les années 80, si vous avez connu cette musique ou si vous vous y êtes intéressé à l'époque, cette espèce de le crossover qui s'est appelé en fait un amalgame entre le trash et ce qui était le punk aussi à l'époque, punk qui était loin de ce qu'on a connu. Je veux pas embarquer là-dedans parce que je vais m'emballer là. Bon. Bref, c'était du crossover, c'est cela. Je vous parle un petit peu beaucoup peut-être même de cinéma et de séries télévision que j'ai eu le loisir de visionner oui, depuis la semaine dernière. Je vais commencer par les choses les plus plates, je pense. Oui, ça c'était pas mal un des plus plates que j'ai vu, je dois dire. C'est un film d'horreur qui porte le nom de Donnie and Demon, qui met en vedette Ellie Fanning, que je me rappelle pas trop d'avoir vu quelque part, mais le nom m'était pas inconnu, mais bref. C'est l'histoire d'une jeune fille qui débarque à Los Angeles et son rêve est de devenir mannequin, et son ascension fulgurante et sa pureté suscitent jalousie et convoitise. De ce que j'avais pu lire du synopsis, c'est qu'il y avait peut-être un aspect occulte dans tout ça qui avait piqué ma curiosité. Ben, pas du tout. C'est d'une platitude, mais épouvantable. C'est très mauvais comme film, et je dois dire que les actrices, parce que c'est majoritairement des actrices qu'on voit, sont très mauvaises. La seule personne qu'on connaît bien au niveau des acteurs dedans est Keanu Reeves, qui joue le rôle du tenancier d'hôtel paumé pourri, qui lui-même semble pas très très recommandable, mais on le voit pas tant que ça. Donc, The Neon Demon, moi, je vous le dis, là, perdez pas votre temps avec ça, c'est vraiment pas bon. Autre truc qui est, je dirais, d'un ennui mortel, celui-ci, et j'ai été très surpris de voir que c'était si ennuyant que ça, parce que C'est une production de Netflix. Et normalement, Netflix font des trucs assez de qualité intéressante. Il s'agit d'un film qui porte le très court titre de « I am the pretty thing that lives in the house », qui est un film qui vient de paraître en deux, sous peu, là, il y a peu de temps, en 2016, bien entendu, qui est un thriller à connotation théoriquement d'antise. Qui mettent en vedette des acteurs que je ne connais pas, comme Ruth Wilson, Bob Balaban, c'est tout un nom ça, Bob Balaban, et Lucy Boynton, qui est un film de Osgood Perkins, et qui raconte l'histoire d'une infirmière qui doit s'occuper d'un écrivain, en fait, qui est une écrivaine qui se spécialise dans l'épouvante et qui habite une maison hantée, dont elle est en perte d'autonomie parce qu'elle est gravement malade. Bon, écoutez, je vais vous le dire, si vous avez l'intention de vous punir en écoutant quelque chose qui va vous ennuyer d'un ennui mortel, mais pas pour les bonnes raisons, ben écoutez, I am the pretty things that live in the house, pardon, parce que c'est tellement ennuyant, mais c'est tellement lent, long et ennuyant que c'est une véritable punition. Malheureusement. Autre truc qui m'a relativement déçu et pour lequel j'avais quand même un certain nombre d'attentes, c'est Anthropoid, qui est un film, c'est un biopic, connotation thriller, qui met en vedette Cillian Murphy, c'est un acteur qu'on connaît bien, et Charlotte Lebon, et Jamie Dornan, que je connaissais moins. C'est un film de Sean Ellis, et c'est un film historique qui raconte la vraie histoire de la tentative d'assassinat de l'opération Anthropoid destinée à éliminer le général SS Reinhard Heydrich, qui est le principal architecte de la solution finale et le troisième homme en tête dirigeante du Troisième Reich, bien sûr, qui était après Himmler et Hitler, bien entendu. Et bon, comme je l'explique dans la chronique sur le site de réanimation AD.com, moi, je suis bien fasciné par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, malgré tous les horreurs qu'elle a apportées, parce que c'est quelque chose qui aurait pu changer complètement, qui a changé beaucoup la face du monde, mais qui aurait pu la changer de façon radicale pour peut-être les restants de l'éternité, ou à peu près de l'éternité de l'humanité. Je me suis dit, ça risque d'être bien. Bon, le film dure 2 heures, puis il faut attendre au moins 1h10 avant que quelque chose arrive, chose en partant qui pour moi est assez aride. Non pas que j'aime pas les aspects psychologiques au cinéma, mais plutôt que celui-ci, on s'éternise dans des dialogues qui ne mènent à pas grand-chose pour nous faire étirer une sauce. Finalement, le film aurait pu durer à peu près 1h15, ça aurait été amplement suffisant. Mais les 40 dernières minutes sont quand même bonnes, je dois être franc là. Il y a une chose qui est un point aussi très positif du film, c'est que les reconstitutions de des années 40, parce que ça se passe principalement en Tchécoslovaquie, c'est vraiment très bien fait. Que ce soit au niveau de l'architectural, des environnements, des costumes, et ainsi de suite, c'est vraiment très bien fait. Mais par contre, le film l'a légèrement échappé avec son aspect de d'étirement. Vous savez, les scénaristes, là, vous devriez oublier le mot élastique parce qu'étirer les choses, ça fait décrocher les gens. Et finalement, une série télévisée qui est absolument, peut-être pas renversante, mais vraiment captivante et très rafraîchissante et originale, c'est Lucifer. Première saison de cette série à connotation fantastique, policière et d'humour noir, qui met en vedette le très, très, très bon acteur. Je veux dire très excellent, ça se dit pas, ça. Ben non, ça se dit pas. Ça se dit-tu en race ou ça se dit pas, ça? Hein? Tu sais-tu, toi? Ah, il dit que ça se dit. Bon, elle est très excellente. Bon, c'est un vrai prince de la sémantique et de tout ce qui est la langue, de linguistique, lui. Donc, le très excellent, voici Tom Ellis et Lauren German. Et évidemment, ça raconte l'histoire de Lucifer, qui, lui, en a marre d'être le prince des enfers et le batelier de ses enfers, le tenancier de ses âmes perdues, de cet hôtel des âmes perdues. Il décide de venir prendre des vacances à Los Angeles et abandonne tout. Et il est pourchassé par son frère, qui lui est un ange, et qui fait tout en son pouvoir pour le ramener aux enfers, parce que lui, il doit se taper le sale boulot, et il n'aime pas ça. Et Lucifer s'entête à vouloir rester sur Terre, parce que pour lui, les plaisirs de tout acabit, et tous les vices sont bien entendu mis à sa disposition, et qui plus est, il peut les partager avec tous ceux qui sont aussi des âmes perdues, si on veut. Et malgré lui, il devient conseiller au niveau de la police pour pour devenir, si on veut, le partenaire d'une inspectrice. Et c'est vraiment très bien fait parce qu'il y a plusieurs enquêtes. À chaque épisode, on a une enquête différente, mais tout un point central autour d'une enquête principale au niveau d'un flic qui est pourri. Et c'est vraiment la dualité entre le bien et le mal qui se passe dans la tête, dans l'esprit de Lucifer Morningstar. C'est vraiment assez agréable, admirablement bien joué. Il y a beaucoup de petits clins d'œil intéressants qui sont subtils et aussi beaucoup de blagues qui souvent sont très rapides, mais aussi d'humour noir, comme je l'ai dit, extrêmement bien placé et bien dosé. Donc, ça fait une série qui est fort, fort, fort distrayante. Lucifer, j'ai énormément hâte à l'année prochaine pour la deuxième saison. Et ce que je me propose de vous entretenir la semaine prochaine, c'est une série qui en est déjà à sa troisième saison, mais dont on entend parler beaucoup plus depuis, je dirais, les dernières semaines. Je sais pas pourquoi, ça aura pris peut-être un certain temps à ce que la série soit plus populaire au Québec. J'en ai aucune idée. C'est une série de science-fiction, connotation thriller, c'est Black Mirror. La saison 1 qui ne comporte que trois, ben en fait la saison 1 et 2, je sais qu'ils ne comportent que deux, trois épisodes, qui sont relativement longs, bien entendu. Et qui se veut une espèce d'anthologie qui montre la dépendance des hommes vis-à-vis de tout ce qui a un écran et la technologie et du comportement de ces gens vis-à-vis les ceux qu'ils côtoient finalement et qui n'ont pas cette cote technologique et ainsi de suite. Il semblerait que ça soit excellent et elle est très bien cotée, Black Mirror, donc je devrais être pas mal apte à vous parler de la saison en entier la semaine prochaine. Aussi, la semaine prochaine, je vous l'ai dit, la présentation du premier album de Serpentine Dominion, soit The Serpentine Dominion, formation qui met en vedette George Fisher. Et j'aurai aussi un spécial de 1987 de 9 albums qui sont parus cette année 1987 et qui avaient attiré passablement mon attention à l'époque et encore aujourd'hui. Ceci dit, je vous propose une première véritable nouveauté qui est celle des Britanniques de Mithras et leur quatrième album On Strange Loops qui est paru le 21 octobre dernier sur Galactic Records. Mithras est une formation qui donne dans un brutal death metal très expérimental, mais en même temps parfois pratiquement céleste, je dis bien pratiquement, et aussi assez éclaté. Une formation dont les textes parlent principalement d'histoires et de légendes et de trucs de voyages comment on appelle ça astral, voilà. Donc leur quatrième album On Strange Loops qui m'a beaucoup charmé, je dois dire. Je vous propose deux pièces de cet album et c'est certain que nous allons y revenir pour les éditions subséquentes de réanimation. Donc tout de suite, Mithras, let's go. We'll be right back. programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fous. Fier partenaire de la radio Cifou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça se brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Monsieur Pilote, j'aime bien vos nouvelles lunettes. C'est quand même spécial, là, des ribbons noirs. Ah, merci, merci. Mais ça doit cacher les rayons. Oui. Mais là, par contre, on perd quand même 500 mètres d'altitude par seconde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Attends une minute, je vais vérifier ça. Rex? Ouais, tu vas remonter ça de 300 mètres. C'est qui ça, Rex? C'est mon chien Mira. Hein? Il y a des choses qui s'improvisent pas. Pour tout le reste, il y a la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, les lundis 20h à la Chasse-Galerie de l'UQTR. Relax, déconnecte, mot-clic, ose la luître. Vous êtes qui vous vous assumez? Le Mathieu Planchon aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television Television, le bloc Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, C'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Planchon avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. C'est fou! 89. On s'en va vers la fin tranquillement. On vient d'entendre deux extraits de cette dernière parution On Strange Loops, le quatrième album de la formation britannique Mithras. Entendu la pièce-titre On Strange Loops, c'était précédé en ouverture de bloc avec When the Stars Align, qui est une des très fortes selon moi. Et c'est très peu conventionnel par moment, ce death metal qui est très expérimental et très, je dirais, astral par moment. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai donné une cote de... Ah, je vous le dis pas. Mais si... J'en donne plus de cote. Mais si j'avais eu à en donner une, elle aurait été certainement relativement élevée, je dois le dire. Et évidemment, Mithras, on entendra aussi plus tard dans d'autres émissions de réanimation, c'est certain. Dernière présentation de la soirée qui s'adresse à une formation de la Nouvelle-Zélande. C'est un endroit, pour moi, un peu familier au niveau d'un bassin de formation metal, death metal principalement, qui donne dans un metal avant-garde, technique death, pour ainsi dire. Je parle de Ulcerate, formation qui vient de Auckland, U-C-K-L-A-N-D, en Nouvelle-Zélande, et non Auckland, aux États-Unis, bien sûr. Je parle de leur cinquième album, Shrines of Paralysis, qui est paru vendredi dernier sur Relapse. Et simplement, je vais vous dire que si vous êtes amateur des formations telles que Gorguts, entre autres, qui donnent effectivement dans un métal d'avant-garde et très audacieux, eh bien, c'est certain que vous allez aimer Ulcerate. Et je vous propose tout de suite d'aller écouter deux pièces tirées de ce nouvel album Shrines of Paralysis, soit Abrogation, qui sera suivi de There Are No Saviors. Ulcerate, let's go! We'll be right back. formation de Win New Zealand, de Nouvelle-Zélande, Ulcerate, et deux pièces tirées de leur dernière parution parue vendredi dernier, soit le 28 octobre. Cinquième album studio, Shrines of Paralysis, sous étiquette Relapse Records. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est très audacieux, évidemment. Faut avoir une ouverture d'esprit au niveau de ce type de métal, peut-être un peu plus poussé que ce que vous aimez normalement dans le death metal plus traditionnel, entre guillemets. Ici, plutôt d'avant-garde, plutôt, je dirais, très spatial par moment et très brutal aussi à la fois. On a entendu There Are No Saviors, et c'était précédé d'Abrogation, deux pièces tirées de ce très bon album. Et certainement, encore une fois, on va en entendre de façon subséquente à Réanimation. Je vous rappelle que semaine prochaine, je vous proposerai une incursion dans le premier album de la formation Serpentine Dominion, qui met en vedette George Korsgaard Fisher, ainsi qu'un spécial 1987 sur 9 albums parus cette année-là. Et aussi ce vendredi à Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, c'est la 999e émission de Rock Classic. C'est pas rien, le 999, c'est 666 à l'envers. Donc le Rockmaster et moi allons vous proposer un spécial très rock, très métal, très fort. Entre autres, le Rockmaster va vous proposer des nouveautés telles que celle de Tigers of Pentang, The Pretty Reckless, Dark Throne, Necromancing the Stone, ainsi que la réédition du 20e anniversaire de The Great Sart and Trendkill de Pantera. Et il vous proposera aussi une face complète d'un album vinyle classique du métal, soit The Marbles de Black Sabbath, qui est paru il y a exactement 35 ans ce vendredi. Donc, en plus des chroniques habituelles, c'est-à-dire les éphémérides, bien sûr, en début d'émission, la capsule Ça passe ou ça casse, la fonte des amateurs de rock, les beaux programmes d'antan, et ainsi de suite, et toutes sortes d'autres divagations, bien entendu. Donc, ce vendredi, 999, c'est 666 à l'envers, spécial, puissant, à rock classique, pour les vrais amateurs de vrai rock. Et si vous aimez aussi le métal, autre que Réanimation, et bien sûr Rock Classic, eh bien je vous incite d'aller écouter l'émission Subversion de mon ami DJ Tower of Death, tous les vendredis 18h30 sur Underground Québec, que vous pouvez reprendre très peu de temps après sur SoundCloud. Et si ça vous intéresse aussi d'avoir l'opinion de mon ancien cabotin et puant d'assistant, soit Sinistro, ce pestilentiel gobelin, je vous invite à aller lire ses chroniques sur hurlemort.com. À peine le temps de vous dire qu'on va cesser sur une dernière pièce de Destroyer 666, parue, bien entendu, vous l'aurez deviné, sur leur dernier album, Wildfire, je vous le dis pas, vous la reconnaîtrez. Et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Réanimation. Et d'ici là, restez sur les ondes de C'est Fou, parce que Matière Noire s'en vient. Et effectivement, là, c'est le temps de le dire. D'ici là, allez tous vous faire foutre, bande d'enfoirés. Let's go, see you!